toi que j'ai cherché de par le monde. Oh, toi, si notre amour venait au monde par un de ces jours s'éclaire en moi, un de ces jours, debout du monde, toi, par-delà la rage qui gronde. Ce monde, j'ai cru tant de fois et pris tant de chemins qui ne menaient à rien d'autre qu'au regret de toi. S'est enfui déjà au gré d'autres amours. Trop de temps s'est enfui déjà en attendant le jour où s'effacerait ses pas perdus, le jour où tout malgré ne quelques heures de toi, je partirai en criant que le monde c'est toi.